Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones pour du rock progressif. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, nous allons entendre The Tangent, un groupe multinational. Nous aurons Phoenix Again d'Italie. On aura Soup de Norvège, Maxophone d'Italie, It d'Angleterre. On a une formation montréalaise du nom de Side of Mind. Et le dernier bloc de l'émission sera consacré à un montage de plusieurs pièces de la formation de Moody Blues. Alors, le premier bloc de l'émission, comme d'habitude, est consacré à ce qu'on appelle l'album de la semaine. Et nous avons The Tangent avec leur neuvième album studio qui s'intitule The Slow Rust of Forgotten Machinery. Et c'est un groupe qui date de début des années 2000 et composé aujourd'hui de 5 musiciens. On parle ici de Andy Tillison, qui est là depuis le tout début. C'est le chanteur et il est aussi au clavier, avec, je pense, principalement aussi la batterie. On a Luc Machine et Marie-Ève Gauthier, ces deux musiciens qui viennent de la formation Machinery. On a aussi Théo Travis, qu'on a connu dans le passé avec le groupe Gong. Il a aussi joué avec The Soft Machine Legacy. Et le groupe est aussi composé de Jonas Reingold, le bassiste, qui lui a joué avec, à l'époque avec The Flower Kings. Il y a aussi Kaipa. Et en parallèle, il a son propre groupe qu'on connaît bien l'émission pour l'avoir fait jouer à l'occasion, c'est Karmakanik. Alors cet album-là est assez généreux avec 74 minutes. Je disais que c'est le 9e album studio du groupe. Et je vous propose deux pièces. La première, c'est Dr. Livingstone. Et la deuxième, c'est The Bad Story of Lead and Astatine. Alors voici The Tangent. We'll be right back. got past all that playground yard stuff. But in the end, there's always that small matter of pride. It gets so strong, you know. It's in your head like caffeine in the morning. Your blood is boiling and you're shaking now. And all those words you said don't matter anyhow. But you persist, you rationalize and justify. Thank you. Thank you. like the water underneath the bridge where we once. Well, I'm not even gonna start on that one. Alors, c'était la présentation de l'album de la semaine, The Slow Rust of Forgotten Machinery, par le groupe de Tangent. On a entendu deux extraits, The Sad Story of Lead and Astatin, et en début de bloc, nous avions Dr. Livingstone. Après la pause, Phoenix Again, Soup et Maxophone. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va débuter avec Phoenix Again, qui est un groupe italien qui vient de faire sortir, en fait, au printemps dernier, leur troisième album, Unexplored. Le groupe existe depuis 1981, mais ça a été avant 2011, parce que le groupe a été démantelé avant même d'avoir enregistré. Ils se sont reformés en 1998 et ils ont fait leur premier album CD enregistré en 2011 et... Le plus récent, c'est Unexplored, et on va entendre la pièce Valle de la Luna. Et ensuite, nous avons la formation norvégienne Soup, qui ont fait paraître au début de l'hiver dernier leur quatrième album studio, qui s'intitule Remedies, et on va entendre The Boy and the Snow. Et en fin de bloc, nous allons avoir Maxophone, qui est un groupe italien qui avait enregistré un seul album en 1975, un album homonyme. Et ils sont revenus 42 ans plus tard avec la Fabrica del Nuvole. Et on va entendre la pièce titre. Alors, on débute ça avec Phoenix Again. Thank you. là, c'était un maxophone d'Italie avec la pièce titre de l'album La Fabbrica del Nuvole. Et ça a été précédé de The Soup, formation de Norvège, et la pièce The Boy and the Snow. Ça, c'est extrait de l'album Remedies, paru en l'hiver 2017. Et en début de bloc, nous avions Phoenix Again, une autre formation italienne avec la pièce Valle della Luna. Et ça, c'est extrait de Unexplored. Phoenix Again, c'est paru cet été. Pour ceux qui veulent retracer la nomenclature de toutes les pièces qui sont présentées à l'émission, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et vous aurez les albums, les artistes, les numéros de pièces, les pays de provenance et les années de la production. Alors après la pause, nous aurons Hit d'Angleterre et Side of Mind de Montréal. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes en compagnie de Jimmy Farley et je vous propose comme première pièce, en fait, il y aura deux pièces durant le bloc. La première, c'est la formation britannique Hit, un groupe qui existe depuis 23 ans et qui a fait paraître cette année leur cinquième album studio. L'album s'intitule We're All in This Together et on va entendre la pièce The Path of Least Resistance. Et on va conclure le bloc avec un groupe de Montréal qui a fait paraître leur premier album studio. Le groupe s'appelle Side of Mind. C'est cinq jeunes musiciens, je pense. Je ne les connais pas. J'ai pas vu la page Facebook. L'album s'appelle Erosion. Les musiciens, Erosion, probablement. Le musicien, c'est violoniste Olivier Allard. On a le batteur Alexandre Dagenet, le claviériste Camille Delage. À la guitare basse, nous avons Nico Damoulianos et à la guitare, Kevin Paquet. Alors, c'est un album qui est beaucoup, qui tourne autour du violoniste Olivier Allard. Et c'est des pièces qui sont assez variées en termes de genre. Ça va du jazz au classique, au métal, c'est progressif bien entendu. Et ce sont des pièces assez longues et je vous en propose une de 13 minutes 36, c'est Derecho de l'album Erosion. Alors on débute ça par exemple avec IT. To reach the distance. Change in life. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation montréalaise Side of Mind avec la pièce de Rico, et c'est tiré de Érosion, leur premier album. C'est très prometteur, en tout cas, le reste de l'album est aussi bon. Et ça a été précédé de Hit, de formation britannique, et la pièce The Path of Least Resistance, et ça, c'est extrait de leur plus récent album. Après la pause, de Moody Blues. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes déjà rendus au dernier bloc de l'émission et j'ai décidé de concocter un montage du groupe britannique de Moody Blues. C'est un montage des quelques extraits, en fait, de 8 extraits des premiers albums du groupe en 68, 69 et 70. Et j'ai nommé In Search of the Lost Chord, On the Threshold of a Dream et A Question of Balance, et puis aussi un 45 tours qu'ils ont fait en 1968, et ça s'appelle Tuesday Afternoon, qui va conclure l'émission. Alors voici The Moody Blues. Safely

know that you are real. Show your friends that you and me belong to the same world. Turned on to the same world. Thank you. Alors, c'était The Moody Blues avec la pièce Tuesday Afternoon. C'est une pièce qui est sortie en 45 tours en 1968, il y a exactement 49 ans. Et ça avait été précédé, ça, de quelques extraits de trois albums qui sont parus en 68, 69 et 70. Et j'ai nommé A Question of Balance, In the Search of the Lost Chord, puis On a Threshold of a Dream. Je rappelle que Moody Blues ont en disqué 16 albums studio entre 1966 et 2003. Et il y a eu une infinité de compilations d'albums live. Et en parlant d'albums live, ils ont culminé à l'île de Wight en 1970. C'est quand même Puck et des Doors. On a aussi, je voudrais vous rappeler que si vous voulez une compilation des Moody Blues, celle qui est la plus fidèle à ce qu'ils ont fait au début des années 70, c'est This is the Moody Blues et c'est paru en 1974. C'est un CD double et il est coté 4,34 sur Prog Archives. Alors, ceci met fin à l'émission et je vous invite à visiter la page Facebook de l'émission. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.